J'ai le plaisir d'être avec Flo, chanteur de March of Scylla, un groupe de death metal progressif, post-metal d'origine d'Amiens, qui vont sortir leur premier album le 7 mars prochain sur le label Clonosphère. Salut Flo et merci de prendre du temps pour parler de ton groupe. Ben, salut à tous. On va essayer de raconter votre histoire de façon chronologique, comme je te le disais en off. Donc, Ouais. est-ce que tu peux commencer par me parler un peu de votre parcours en tant que musicien et de ce qui vous a amené à vous réunir pour jouer votre musique? Yes. Alors nous, on est d'Amiens, donc du nord de la France, hein, ce qui est un peu l'opposé de Toulouse. C'est Et ça. ça fait à peu près 20-25 ans qu'on est sur la scène rock, mais metal amiennoise, voilà, depuis les années 2000. Et on a tous eu des formations diverses et variées autour du metal dans notre ville. Et ce projet, il a commencé par le projet d'un guitariste qui s'appelle Greg, qui est plus dans le groupe d'ailleurs aujourd'hui, mais qui avait commencé à écrire des morceaux comme ça très metalcore dans les années 2010 en fait, 2010-2012. Et c'était un gars qui avait un studio, et donc c'était vraiment du travail de studio. Et ce guitariste, il a recruté en fait des membres au fur et à mesure, et ça s'est fait assez lentement parce que voilà, on est dans des il n'y avait pas d'urgence, il voulait vraiment monter sa barre comme ça, tranquillement. Et puis, donc, il a recruté au fur et à mesure un deuxième guitariste, Christopher, un bassiste, Robert, et un batteur qui s'appelle Gilles. Et moi, je suis arrivé le dernier, en 2020. Donc, ça a pris vraiment pas mal d'années quand même pour arriver à la forme qu'on a actuellement. Et ensuite, ce guitariste qui était le créateur du groupe, eh ben, il est parti. Voilà. Okay. Donc c'est la formation actuelle, c'est-à-dire qu'on est quatre depuis à peu près 2021. Ok. Et du coup, en termes de d'influence de ce qui vous réunit, qu'est-ce qui vous caractérise tous ensemble? Alors, ce qui nous caractérise tous ensemble, c'est compliqué, c'est, je pense, le death metal, enfin, c'est quelque chose assez qu'on peut retrouver chez nous quatre, mais c'est vrai qu'on n'a pas du tout les mêmes influences et qu'on n'est pas du tout issu de la même scène. C'est-à-dire que moi, je viens vraiment d'un truc un peu plus prog. J'ai eu des groupes de prog, rock prog, metal prog, alors que il y a des copains qui viennent du death un peu plus extrême, etc. Et ou du metalcore pour Chris plus moderne. Voilà, donc c'est ce qui est un peu. Bah, ces multiples influences d'ailleurs vont se Ouais. sentir tout au long de vos enfin de ce que vous avez proposé en termes de P puis d'album, enfin puis de Yes. l'album d'ailleurs. Complètement. Du coup, pour continuer notre chronologie, ça y est, vous êtes formé et donc en 2020, tu arrives et vous sortez votre premier EP, Archive. C'est ça, ouais, tout à fait. Pendant le confinement, parce que comme beaucoup de groupes, on a eu le temps de terminer les prises à ce moment-là. Et donc, il s'appelle Archives, justement, parce que c'est les vieilles chansons. C'est-à-dire que c'est les chansons qui ont été composées il y a longtemps et on s'est dit, bah zut, on a quand même réussi à les terminer, enfin en tout cas à les faire sonner comme on a envie qu'elles sonnent. Et donc on va les sortir. Ça ne sera pas notre projet le plus abouti parce qu'il y a un truc comme ça qui s'est construit pendant longtemps, mais au moins voilà, on a sorti quelque chose et ça signe un peu le début de l'existence du groupe en fait. Tu vois. Ouais. Voilà, le Et premier puis EP Archive, effectivement. ça reste un bon point de démarrage pour vous poser un peu toutes vos Ouais. influences, justement, quand C'est même. ça, ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, à l'époque, il y a encore Greg qui est dans le groupe. Et Greg, il est quand même très, très orienté metalcore, un peu plus moderne. D'accord. Et c'est quelque chose qui va finalement, au fur et à mesure, donc je pense qu'on va en parler après dans la chronologie, mais disparaître de plus en plus, en fait, de ce qu'on propose, quoi. Oui. Donc cette EP s'ensuit pas mal de travail, des tournées, je suppose, enfin en tout cas des concerts locaux. Ouais, c'est ça, voilà. C'est-à-dire qu'au début, évidemment, on n'a fait que du studio pendant des plombes. Et il y a un moment, bon, bah, allez, on y va. Donc, on commence par notre ville. Et puis, on commence à avoir quand même pas mal de petites dates sympas. Et d'un seul coup, en 2000, on a eu un passage. Donc, je pense que tu allais peut-être en parler, mais un passage sur France 3 en 2022. Si je. C'était mon prochain point, oui. Donc vas-y, vas-y, c'est Ouais, tout à parfait. fait. Et de ce fait, à partir de là, c'est vrai que bah forcément, tu t'acquiers un peu plus de notoriété, et tu commences à ton nom qui circule, et forcément, tu trouves beaucoup plus de contacts pour jouer, en tout cas dans le nord, dans la France, à cette Bien époque-là. sûr. Oui. Ben, alors moi j'avais relevé que vous étiez passé dans l'émission Les Hauts en scène. Donc je ne sais Yes. pas exactement ce que c'est et en même temps, enfin plus ou moins en même temps avec au niveau de France 3 et d'un JT. Ben, comment ça s'est passé? Tu peux nous en parler un petit peu parce qu'en fait c'est quand même pas courant même pour un groupe local de passer Sur France 3, ouais. sur France 3, tu vois, c'est quand même Ah, c'est c'était original. génial. C'est-à-dire qu'il y a des gros studios, les studios France 3 sur Lille, hein, donc vraiment tout au nord, chercher un groupe. C'est-à-dire qu'ils avaient, ils avaient un groupe de Lille qui s'appelle Unfate, qui sont des copains, et ils cherchaient un groupe de Picardie, donc d'Amiens, pour avoir les deux, en fait, les deux régions des Hauts-de-France qui soient représentées, quoi. C'est-à-dire. Et donc, le copain de Unfate, il a proposé notre nom et on s'est retrouvé comme ça un petit peu par hasard. On était vraiment tout au début de notre existence en tant que groupe et ça nous a mis tout de suite un gros challenge, un gros gap parce que forcément, on a passé sur une émission, donc c'était une émission en live total, quoi. C'est-à-dire, on avait 25 minutes de live, 5 titres, 25 minutes. Ok. Dans des super conditions de plateau, etc. Génial. Mais voilà, donc une émission qui après a été diffusée en replay, etc. Et donc, ouais, non, ça permettait de mettre vraiment en avant des artistes locaux, quoi. Mais Ouais. de bien le faire, quoi, pour le coup. Ouais. Oui, c'est une super opportunité, c'est marrant, enfin, je Voilà. trouve ça assez génial Carrément. que ça soit arrivé dans votre parcours, en plus assez tôt, donc ça vous Très permet tôt, ouais. de. Exactement, ouais. Ça permet aussi de se lancer, enfin de continuer à se propulser, on va dire même. Ça, ouais. Ouais, carrément. Non, c'était vraiment une chouette opportunité. Et puis vraiment, enfin. Et après, d'où le après passage au JT, etc. Bah, parce que bah, une fois que tu es rentré un peu là-dedans, la Et... celle qui produisait l'émission nous a encardé pour le JT, etc. Alors bon, ça restait très local, mais en tous les cas, voilà, c'est vrai que ça fait plaisir d'avoir un peu de métal au JT, quoi. Bah, c'est clair. Donc tout ça en parallèle, ben, vous êtes en train de préparer votre second EP qui va sortir en 2023, enfin qui est sorti en 2023 et qui s'appelle Dark Might. C'est ça. Je trouve personnellement que là on commence déjà à retrouver beaucoup plus la patte et la façon de faire de votre album, donc de votre album à sortir le 7 mars. Yes, ouais, absolument. Et notamment, enfin même autour du visuel, j'ai l'impression aussi des thématiques abordées. Est-ce que tu peux justement nous parler un peu de ces thématiques sur lesquelles tourne le groupe? Bah, c'est-à-dire que déjà sur le premier Archives, la pochette c'était déjà Scylla, donc Scylla qui est une nymphe marine de la Grèce antique, de l'Odyssée d'Ulysse, en fait, hein, on la retrouve dans l'Odyssée, etc. Et donc elle a été changée en monstre par Circé qui était jalouse de sa beauté, enfin, etc. Donc, tout ça c'est des histoires un petit peu mythologiques qu'on aime bien, moi et surtout Christopher qui est notre compositeur principal et guitariste, seul guitariste du coup. Qui est prof de philo, lui, quand il n'est pas musicien. Et donc, D'accord. c'est une passion que moi, je suis un petit peu historien aussi, donc c'est une passion un peu qu'on partage, quoi. Voilà, cette espèce de goût pour les mythes anciens, voilà, à différents niveaux, à différents. Voilà, mais quelque chose qu'on aime beaucoup et qu'on a essayé de décliner au fur et à mesure de nos albums, en tout cas au fur et à mesure de ce qu'on pouvait produire, alors qui était un petit peu ténu sur le premier Archives et qu'on a assumé un petit peu plus sur Dark Myth. Avec des. Alors, moi, par exemple, j'ai écrit une chanson qui s'appelle Eurydice, qui est une réinterprétation du mythe d'Orphée d'Eurydice. Voilà. Bon, alors, ce n'est pas uniquement sur les thèmes mythologiques, parce que je n'écris pas non plus que ça, mais disons que je m'en inspire, en tout cas, dans le storytelling, dans l'artwork, etc. Et l'avantage, c'est que bah, ça raconte des histoires, en fait, qui sont vieilles comme le monde et qui peuvent trouver des échos dans tout ce qu'on vit, en fait. Ouais, Voilà. mais qui part et qui seront encore en fait plus ou moins d'actualité dans encore 2000 ans. Exactement. Ouais. Exactement. Ok. Oui, bah, enfin, notamment, j'ai relevé des choses autour des angoisses, des peurs, enfin, de toutes ces choses-là. Oui, puis des rapports entre les gens, en fait, Ouais, c'est ça. qui existent déjà à cette époque, qui existent maintenant, qui existeront plus tard. et qui induisent des histoires incroyables, des histoires de sacrifice, des histoires horribles, et puis des histoires de force, de résistance, etc. Enfin, voilà, donc on a un vivier incroyable pour écrire des chansons quand on commence à s'intéresser à ça. Oui, bien sûr. Bah, d'ailleurs, il y a énormément de groupes qui sont très clients de la mythologie pour écrire aussi. Enfin, c'est pas pour rien. Donc on en arrive à 2024 et en 2024 vous avez l'opportunité d'intégrer Objectif Lune qui est géré par la SMAC d'Amiens. Est-ce que tu peux en fait c'est de l'accompagnement de groupe si j'ai bien réussi à comprendre. Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment vous y êtes rentré, est-ce que ça vous a apporté dans la structuration de votre groupe? Ah bah, c'est clair, c'est-à-dire qu'on a la chance d'être dans un pays où on a des SMAC dans chaque région de France, hein, donc des salles de musique actuelles qui sont des salles de musique subventionnées et qui proposent, pas systématiquement, mais parfois, des dispositifs d'accompagnement pour les groupes émergents, les jeunes groupes. Et qu'est-ce que ça veut dire accompagnement? Ça veut dire un peu de structuration, comme tu l'as dit juste avant, c'est-à-dire que il ne suffit pas de faire de la musique pour exister en tant que groupe. Hein. Il faut se structurer légalement parlant. Il faut pouvoir faire des factures, des machins quand on a des prestats, etc. Et puis surtout, avancer sur les subventions pour essayer des fois aller chercher des aides. Parce qu'évidemment, produire un album, si on veut bien faire, quand on est amateur, c'est quand même quelque chose de très compliqué, de très cher, hein, clairement. Hein. Donc quand on a envie de bien faire les choses, il faut être une structure en fait reconnue et la Lune des Pirates, donc notre SMAC, elle nous aide à ça. Elle nous aide à nous implanter et à être des acteurs en fait locaux, sérieux dans la musique métal, mais pas seulement. Ouais. Non, mais c'est une vraie chance d'avoir ce genre de l'accompagnement et de propositions un peu partout en France. Mais après, moi, pour le coup, Amiens, je n'y ai jamais mis les pieds. Je ne connais pas le fonctionnement directement de la SMAC, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut souligner, oui, parce que c'est génial de pouvoir bénéficier de ça. Clairement, ouais, franchement. Et donc, bien conseillé, bien dirigé, vous voilà en train de préparer votre premier album. Donc, c'est-à-dire qu'après deux EP, on s'est dit, bon allez, on va essayer de passer un petit gap, on va essayer d'aller un peu plus loin dans la prod et ensuite dans la promotion et dans tout le travail qu'on peut faire pour lancer un album, quoi. Donc on a essayé vraiment de faire les choses le mieux possible, en tout cas selon notre... Vous avez changé un peu de méthode pour composer, justement, pour faire un album entier par rapport à un EP, ou ça, finalement, c'était naturellement, vous avez continué dans le même sens? Ouais, c'était exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on a toujours le même processus de composition, c'est-à-dire qu'on a notre guitariste, compositeur principal, qui envoie des maquettes, des essais, et puis après, ça discute, on répète, etc. Et puis, on essaye des choses. Et quand on est certain un peu de la structure et de l'ambiance qu'on veut donner au morceau, moi, j'écris les mélodies, j'écris les textes sur la fin. Et puis après, on les teste quand même un petit peu en live. Il y a des morceaux qu'on a eu besoin de tester en live pour se dire, tiens, on va modifier tel passage parce que on se rend compte qu'en jouant vraiment en live, ça prend une autre dimension. Et donc on est à peu près tout le temps sur le même fonctionnement. Moi, je trouvais que vous aviez une musique qui avait un peu gagné en puissance aussi dans cet album. Je sais pas si vous avez eu la même sensation, mais je trouve que c'est beaucoup plus, elle prend plus de place, elle est plus puissante, votre musique. C'est-à-dire que déjà, je pense que c'est vraiment une volonté et c'est aussi lié à l'accordage. C'est-à-dire que tu commences à changer d'accordage et forcément ça induit des riffs un peu plus puissants. Alors à la fois c'est plus puissant, mais à la fois les parties mélo ou prog sont plus assumées aussi. C'est vrai. Tu vois, donc je pense que on est un peu dans tout ce qu'on a envie de faire, quoi. C'est-à-dire à des moments ça castagne à fond, et puis à des moments on est complètement dans des trucs ambiants, très pro, quoi. Ouais. Et on va parler de la production, mais juste après, parce qu'en fait ce travail de composition vous a permis quand même d'aller démarcher des labels et de signer sous le label donc de Clonosphère, qui est en lien avec Season of Mist, donc c'est quand même un des labels un peu incontournables du métal, quasi carrément à travers le monde. C'est une super opportunité pour vous quand même. Enfin, il faut déjà le souligner. Là, on était ravis. Ouais, je me doute. Et est-ce que eux ont eu un effet conseil sur, par exemple, sur la production? Parce que je trouve que vous avez une production qui est vraiment excellente. Alors, Ou est-ce qu'ils vous oui ont et laissé non. un peu Parce qu'en carte fait, blanche? ouais, on avait carte blanche, mais par contre, Guillaume hein, de Claude, hein, donc, puisqu'on en parlait juste avant, Ouais. qui est l'acteur avec patte de Clonosphère, l'acteur principal, savait avec qui on travaillait. C'est-à-dire que ça faisait déjà 2 ans qu'on travaillait avec Francis Cast, qui pour moi est un des meilleurs sondiers en France, en tout cas dans le métal, en tout cas de mon point de vue. Il a fait des groupes incroyables. Et donc, finalement, il avait déjà cette garantie-là, c'est-à-dire que Clonosphère, il savait qu'on bossait déjà avec Francis Cast, et il savait que, voilà, on n'aurait pas sorti un truc, en tout cas, qui n'aurait pas sonné en bossant avec lui, c'était pas possible, quoi. Ouais. Non, c'est vrai. Ok. Et donc vous êtes aussi, là vous venez de nous proposer deux clips, enfin trois si on compte le lyrics vidéo. De la même façon, je suppose qu'ils ont aussi poussé derrière vous pour sortir ces clips-là. Ah bah ouais, ça c'est le boulot effectivement Voilà. du label et de la promotion. C'est-à-dire que pour avoir de la visibilité, de l'actu, forcément, il faut sortir des choses en lien avec notre musique, quoi. Ouais, Bien clairement. sûr. Donc on a fait différents formats, on s'est dit, tiens, on va essayer différents trucs, puis on voit, quoi. Moi, celui qui m'a le plus interpellé des trois, parce que plus original aussi, de mon point de vue, par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir, c'est le clip de Storm Dancer, Ouais. qui est en animé, en fait, mais Un je. Bah, je semi-animé, ouais, c'est Ouais, ça. semi-animé. Je te laisse en parler, pour les gens qui n'auraient pas eu l'occasion de le voir encore. Parce que enfin, vraiment, moi, je me suis régalé à regarder ce clip qui sortait de l'ordinaire. Mais si tu peux nous en parler un peu, Ben, en fait, on a un copain hein, qui bosse dans une grosse boîte de jeux vidéo qui s'appelle Médéric Arvar et en fait qui réalise ce genre de qui réalise ce genre de clip. Ça m'a fait penser un peu à de l'Ubisoft dans les dessins. C'est Et rien à alors, voir ou je pas? crois qu'il est chez Wizard. D'accord. Ouais, je crois qu'il bosse avec Wizard. Voilà. Et donc, en fait, il crée des images qu'il anime, etc., en utilisant différents processus. Et c'est vrai que ça permet d'aller un petit peu chercher quelque chose du côté de l'animé, ce qui se fait quand même moins facilement, parce que techniquement, ça demande effectivement des compétences quand même qui sont hautes. Alors, finalement, aller tourner un clip comme on l'a fait pour notre premier single, c'est quand même très très lourd en termes de matériel, en termes d'organisation, etc. Mais comme Bien tu l'as sûr. dit juste avant, c'est un peu plus conventionnel, c'est-à-dire que Oui. ça se. Tu vois, je l'ai trouvé très bien, mais je me suis pas arrêté dessus de la même façon que Storm Dancer m'a happé un peu parce que j'ai trouvé le coup de crayon, la façon dont c'était animé, super joli, quoi. Ouais, cool. Ça, c'était l'ADA qu'on a essayé de monter avec lui, ouais, effectivement, pour donner un peu vie à ce morceau, sachant que ça raconte vraiment en plus l'histoire du morceau, hein, plus ou moins. Hein. Donc, mais voilà, du coup, ça permet en tout cas sur trois vidéos d'avoir trois choses un peu différentes. Ouais. Et on se dit, voilà, et puis qui n'était pas non plus, qui nécessitait pas non plus des moyens colossaux, parce que forcément, ça en nécessitait quand même, hein, mais Oui, bien sûr. on pouvait pas, enfin, à un moment, on est obligé de faire des choix, quoi. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Mais ouais, je suis attentif. Ok, écoute, je vois qu'on est quand même d'accord sur la qualité de ce clip. Ouais, clairement. J'en arrive un peu à ce qui va se passer plutôt après la sortie de cet album, donc je le répète encore une fois, le 7 mars chez Clonosphère, qui va être forcément un peu de promotion, mais plutôt sur scène. Donc pour l'instant, vous avez à peu près une date par mois d'annoncer jusqu'à la fin de l'année. À peu En près, gros. il y a des mois, on en a plus, mais Ouais. et ça rentre encore, hein, c'est-à-dire, Ouais. Ouais, c'est pas Et encore. bah, alors, pour l'instant, elles sont plutôt dans le nord de la France, ces dates-là. Ouais. Donc, du coup, ma question, c'est est-ce que vous avez prévu ou est-ce que vous êtes en discussion pour en rajouter encore un peu plus dans toute la France ou pas? Et, Bien sûr, j'ai envie de te dire, ça, c'est les opportunités qui vont. Tu vois, là, on a déjà travaillé sur un certain nombre de dates quand même pour. Alors, on a quand même une date sur Grenoble, on a une date sur Nantes. Voilà, effectivement, on ne va pas tellement plus au sud pour l'instant parce qu'on ne nous a pas sollicité à ce niveau-là. Et puis, forcément, ça nécessite une orga un peu plus. Bien Voilà, donc sûr. forcément, si on est sollicité sur un fest qui a son importance et sur lequel on peut vraiment enfin, faire ce qu'on a envie de faire, c'est génial. Mais ce n'est pas forcément toujours le cas. Et donc, évidemment, s'il y a toujours le ratio un peu déplacement, Bien sûr. et puis parce que bon, bah, mais pourquoi pas? Enfin, tu vois, on étudie à peu près toutes les possibilités. On a quand même des gens qui bossent pour nous là-dessus. On a un tourneur, hein, qui, Victory Vision, Adrien chez Victory Vision, qui bosse beaucoup et qui nous montre des super beaux plateaux. Après, c'est les aléas de ce qu'on peut nous proposer et en fonction. Et nous, on attend aussi beaucoup la sortie pour voir un Bah, peu les retours aussi, les retours. bien Alors, on sûr. en a déjà eu des plutôt. Les quelques chroniques qu'on a sont quand même plutôt très très bonnes, donc on est très content. Mais voilà, pour l'instant en Oui, France, c'est. mais il faut toujours passer l'étape aussi de l'écoute du grand public et pas juste quand on est C'est aux ça. spécialistes des fois, enfin, Exactement. au magazine et tout ça, oui. C'est ça. Ok. Bah, C'est c'est ça qu'on cool. souhaite. C'est-à-dire que moi, à partir du moment où nos morceaux ils sont écoutés, où ben voilà, on commence à se dire ouais, génial, t'as écouté ce morceau, nanana, puis celui-là, enfin voilà, à partir du moment où ça commence à tourner, à être un peu écouté, moi j'ai en fait on a gagné, c'est ça qu'on veut, quoi. C'est-à-dire que tout le reste, ça découlera de ça. Mais moi, ce que je veux, c'est qu'on découvre nos morceaux et le travail qu'on a fait, quoi. Parce qu'on est fiers, tu vois. Oui, bien sûr. Alors, j'ai pas eu l'occasion de regarder en live. Est-ce que vous avez, enfin, comment vous préparez tout ça justement parce que c'est quand même pas mal de dates. J'ai pas réussi du tout à savoir si vous étiez des grands habitués, on va dire, du live, si vous en faisiez beaucoup avant cet album-là ou pas. Est-ce que ça Bah, vous a demandé une préparation particulière? ouais, bah là, on sort de résidence pour te dire. On vient de passer 3 jours là en résidence. On en avait fait une en la Toussaint. Donc, on a quand même eu quelques occasions de travailler les lights, travailler les morceaux live, etc. Et donc, ouais, on se sent carrément prêt, hein. Ça, il n'y a pas de souci. Et en général, de toute façon, même quand on était en période d'enregistrement, bah, on essayait toujours de se garder un certain rythme de live pour pas faire retomber et puis pour garder la main, quoi. Donc, on était à une vingtaine de dates l'année dernière. Enfin, voilà. Ok. Donc, non, oui, ça y est Oui, là-dessus. ça 20 dates sur l'année, ça reste quand même très plus que correct. Ouais, on commence à Oui. être un peu. Voilà. Puis c'est quelque chose qu'on. Voilà, comme tu disais tout à l'heure, on essaie de le faire régulièrement. On essaie de pas. Bah, évidemment, ça dépend des opportunités qu'on a, mais de pas se remplir complètement un mois en jouant tous les Ouais. week-ends partout parce que bah, c'est compliqué à organiser. Mais par contre, ouais, tous les mois, on a au moins une ou deux, voire trois dates. Et on essaie de vraiment de bouger, d'aller dans des villes où personne nous connaît, etc. Parce que, bah, voilà, évidemment, chez nous, on a un peu de monde quand on joue, mais c'est pas Oui, bah toujours le c'est cas force. quand on Oui, bosse, quoi. bah naturellement, c'est aussi en bougeant qu'on arrive un peu plus à se faire connaître, Ah oui, c'est ça, surtout en exactement. live. C'est Oui. ça. Ah Ok. ouais, non, puis c'est cool les lives, quoi. Ça marche bien. Ok. Donc, bah écoute, donc à vous retrouver bientôt un peu partout et ça c'est quand même cool. Ouais, ouais, ouais. Non, J'ai vu non, mais même que vous venez tout juste d'annoncer une date sur le off de ouais. Clisson. Ça, ouais. Ça. Je pense que ça va être aussi bien sympa en Ouais, termes ça va être un beau plateau d'ambiance et tout aussi. ça. Ouais, carrément. Ouais, non, franchement, ça a l'air. Puis ça grossit d'année en année, cet événement. Donc là, il est quand même. Carrément. Ouais, il est bien, bien suivi et tout. Donc ouais, ça, je pense que ça va être une chouette date. Ouais, carrément. Bah écoute, moi j'en ai fini de mes questions et un peu bah, de cette courte histoire de votre groupe en quelques points. Bah, je te remercie de m'avoir accordé tout ce temps. C'était super agréable en tout cas pour moi. Donc je le rappelle pour la 4e ou 5e fois, votre album sort le 7 mars. Donc Super. Faut aller l'écouter, faut aller voir vos clips parce que, bah, comme on vient de le dire, c'est plutôt sympa, ça vaut le coup. Et puis essayer d'aller vous voir en live s'il y a l'opportunité. Voilà. Yes. Et bah, je te laisse un mot de la fin, mais moi, ça m'a fait très plaisir. Eh ben, écoute, le mot de la fin, c'est je dis à chaque fois comme Joe Duplantier, venez voir les concerts au coin de votre rue. Voilà, bougez-vous, sortez. Les fêtes à 300 balles, c'est bien, mais il y a des concerts à 20 balles au coin de votre rue qui sont franchement tout aussi bien et qui vous font tout autant plaisir, quoi. Bien sûr. Merci beaucoup. Ciao!